Baila, baila! Sylvie Mekong, Alice Kingé. Lina Travel, Mokili Mobimba. Yale Dos, Fia. Ndoko Lina. Mulungani nangaya bandoto. Overia promeneur solitaire. Elikia nangaya motema. Lusa disu baye baye kala. Na kombwa mwana malamu Jean-Pierre Siluta yembeka Mongongo mokelo kola bebe Yango na lobi yeyeye na suki lelo na gentleman oyo Kima na ema lili Alaska Eko komisanga solo jele Na metropolis Pena imprévu Bobi na nzembo yo malembe Ndoko lina Molonga ninanga ya bandoto Overia promeneur solitaire Elikia nangaya motema Lusa disu yotali chef d'œuvre Musa da Vinci na Louvre Mona Lisa ye wana kongenga Lokola likala moto se ya mongonda Yango na lobi yeyeye na suki lelo na gentleman oyo Kima na ema lili Alaska Eko komisanga solo jele Papa Ali, papa na félicité Dieu qui poule l'écossais Tony Maya Yo Boinga Lopa Papa Cyril Suni Mingina Libota Cherokina Lukanga Atana Jure Epiphany Richard Kapal Jean-Jacques Chil Dadi Kataï Aline Boula na Panama Ali Di Shadi Last peak Kisha kisha l'homme qui prête aux Américains Amina Kamweo Lina Montez-moi au pas à la capapa Nakayo Amina Kamweo Ah Montez-moi au pays à l'Eninayo Nishoumé na Bokale Yako wana na kanga Atala misoya bato papa Vieux nanga moko Jimmy Mukelenge Amina Kamweo Lina Montez-moi au pas à la capapa Nakayo Amina Kamweo Kisha kisha, mère papa, papa. Quelque fils est-ce de mi, que ferais-je de mi? Te amoras un querida. Aruna mon conti, qu'est-ce aconteceu contigo e me abilio? Vai eu ama José na canari sempre que se baca bito, lo vuelo titi. Amiga la cameo, ina. Montando a pasar la capapa. Mali soya licho e Richie yo kotala O ki vie Yo komona Le commandant de ski Na tikala Yambukut Na tikala malheureux Amina kameo Lina Moti no yoko sala ka papa Na paya Amina kameo Moti no pesa le lina yo Shaki nunga Yako yanga na kanga Shaka kemate Oye komitanga bakulutu kwa Katerina Mangondo na Cyprien Bula Mae Jenina Papa Kasusula Bobina Malinga Mamale Chebo Papa Bolewa Bonza Vieman na Chebo Mama Kanzaku Okanisa mama angebina nzemboyo Tata mwa sifatu longomba Chelovi Na la fontaine Le tchetchele Tonton Augustin Makolu Papa Erumba Mave obongazalaga na kwen ya kasi na bandal Yami milita na docteur Charles Kone Mabe ya kimasi Maï Jeanne, plus de plus Ama Fanny, ma Valérie, ma Mobongite Ama Virginie, Boyoki, hein Sopona Moïsa, ma Baba Nananiso Papa Clément, ma Cap Ama Fanny, ma Mayolanda Ama Mobongite Oh, Mi escuta minha flor, verão pra dormir. Vem perfumar minha vida. O Senhor é meu sinditinha. Bimisanga, bimisanga, bimisanga, eh. Romano Senhor. La mugia, la sum sabuela. Amina, camuero. Mina. Mante de la cosa, la capa. La caia. Amina, camuero. Ah. Mante la pesa, lenina, yo.